Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. En France, on ne fait plus son beurre, ou plus exactement, on ne parvient plus à acheter une plaquette au supermarché. Impossibilité encore vérifiée cette semaine. Alors comment a-t-on réussi à faire disparaître le beurre d'un pays qui est, disons, sixième producteur mondial de lait ? Bonjour Pierre Bégoc. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires internationales d'Agritel. On a beaucoup accusé les Chinois. Sont-ils responsables de la disparition du bon beurre français ? Alors c'est assez paradoxal puisque la France est une puissance laitière historique, reconnue comme telle, avec une filière efficace, en tout cas sur le papier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un pays qui fait face à un manque de beurre. Pénurie, le mot est un peu fort, il me semble. Je pense qu'il y a des éléments structurels qui l'expliquent et qui s'allient aussi avec des points de conjoncture. On va reprendre un peu les choses en recul, en disant, globalement, aujourd'hui, la production laitière mondiale, c'est 600 millions de tonnes, 600 milliards de litres. Les principales puissances productrices sont l'Inde, qui est un pays qui n'interagit pas sur les marchés mondiaux, donc qui n'a pas vraiment d'influence, les États-Unis, l'Union européenne, et après, on entend parler aussi beaucoup de la Nouvelle-Zélande. On se concentre, nous, à l'étude aussi des principaux pays exportateurs, puisque la production, c'est important, mais il y a beaucoup de pays producteurs qui, finalement, n'interagissent pas sur les marchés mondiaux. L'Inde, la Chine, qui est importateur net, la Russie, qui apporte aussi beaucoup de matières. Et donc, au niveau des offreurs mondiaux, l'Europe fait figure de partenaire historique très fort pour de nombreux pays. Et donc, l'Europe est un exportateur historique. On a beaucoup de matières en Europe disponibles. On n'a pas un marché domestique intra-européen suffisant pour absorber l'offre. Et ben donc, bah oui, on va chercher des débouchés à l'export. On n'arrête pas d'expliquer qu'on est en surproduction et c'est ce qui cause la détresse des éleveurs de vaches laitières, puisqu'ils n'arrivent pas à en vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, là, en mois d'octobre, ouais. Et puis depuis le mois d'août au niveau européen, on se rend compte qu'on est en avance de collecte et on a retrouvé des niveaux qui sont supérieurs à ceux de l'an passé et ceux de l'année précédente. Ah très bien, on a trop de lait. Ça veut dire qu'on a du lait. Alors après, la production d'une vache laitière, elle n'est pas linéaire. Ça veut dire que la vache, en fonction de son alimentation, en fonction de son cycle, puisque il y a aussi du tarissement avant les vélages, on a une gestion de troupeau qui fait qu'on a des pics de saisonnalité en fonction des pays. Il se trouve que là, on est souvent en période estivale, en période, on va dire, de production plus basse. On est en train de remonter dans tous les principaux pays européens en termes de production. Donc, la matière première est là. Après, cette matière première, elle est transformée, puisque le lait, vous savez que c'est une matière liquide qu'on peut difficilement transporter. Il y a des contraintes de l'eau, du froid. Et donc, du coup, le lait, quand on parle de lait liquide, on est sur un marché exclusivement local. Le lait, il est collecté, il est transformé localement. Et après, en fonction de la transformation, on peut produire du beurre et son produit associé, c'est-à-dire de la poudre. Ou alors, on choisit de faire des fromages et du lactosérum. Ou alors, on concentre le lait. Ou alors, on fait des yaourts. Voilà, bref, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Mais il y a des vaches laitières qui font uniquement du yaourt toute leur vie, ou du beurre, ou est-ce que les vaches sont spécialisées? Une vache laitière fait du lait. Ça, jusque-là, ensuite, encore l'industriel une fois, je vous décide suis. À quel objet il va attribuer ce lait. Il y a, en fonction des typicités des races laitières disponibles sur les territoires, des variations possibles sur la qualité du lait, le taux de protéines, le taux de matière grasse. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments qui sont connus et au niveau européen, on est capable d'avoir une lisibilité forte. La tête, bien formée, désigne une bonne laitière, ce que confirme la largeur de son mufle. Une mamelle large et attachée très haut conditionne une production abondante et soutenue. Globalement, on a un retour en puissance et en odeur de sainteté d'un produit qui avait été décrié depuis longtemps, qui s'appelle le beurre. Et donc, le beurre est à la mode. De remonter en puissance dans l'imaginaire populaire du beurre fait que la demande augmente. Mais ça, vraiment, vous le voyez, Pierre Bégoc ? Oui, Bégoc, alors, on a eu un élément important. Nous, ça fait déjà plus d'un an qu'on montre à nos clients la couverture du Times, quand le Times avait titré « Eat butter ». Il est temps de manger du beurre. Parce que on s'est rendu compte que, d'un point de vue santé, le beurre avait tout à fait voix au chapitre. En conséquence, le marché américain s'est quasiment fermé. C'était un exportateur historique qui mettait du beurre disponible sur le marché mondial et il s'est concentré sur lui-même pour, on va dire, subvenir aux besoins de son industrie agroalimentaire. On a tout le temps évoqué le cas de McDonald's qui a remplacé ses margarines par du beurre. Et ben, le marché américain a été asséché de son disponible exportable. Du coup, le marché mondial s'est tourné vers deux offreurs qui restaient, c'est-à-dire l'Europe et la Nouvelle-Zélande. On s'est retrouvé en même temps, rappelez-vous, l'ouverture des quotas laitiers, la libéralisation en Europe, haro sur le lait, donc ça poussait en production aux Pays-Bas, ça poussait en Allemagne, ça a poussé aussi en Irlande. Et on s'est retrouvé avec une Europe laitière qui produisait comme elle n'avait jamais produit. On s'est retrouvé en face de nous avec une porte chinoise qui s'est fermée. Fin 2015, on a eu des vrais problèmes de débouchés. Du coup, les prix se sont déprimés. Septembre dernier, les agriculteurs éleveurs étaient dans la rue. Problème sur les prix. Qu'est-ce qui se passe quand les prix sont pas au rendez-vous? La vache laitière, c'est pas un robinet. On peut pas ouvrir et fermer, traire le matin et pas traire pendant deux jours, ça marche pas. La vache, elle est en production, elle est en production. Par contre, d'un point de vue zootechnique, alimentation, on sait qu'on peut gagner 10% ou baisser de 10%. Quand les prix sont bas, on garde moins le renouvellement, on raccourcit les lactations et donc du coup, on est capable de descendre la production. C'est ce qui s'est passé. Donc on a descendu la production. Donc 2016, baisse de la production. En même temps, dans l'hémisphère sud, l'autre gros producteur exportateur, la Nouvelle-Zélande, a aussi connu des problèmes climatiques sur ses pâturages. C'est un système différent, ils utilisent beaucoup la pousse de l'herbe. Il y a eu des problèmes de sec en Australie et Nouvelle-Zélande, donc il y a eu un petit peu moins de lait. Donc les deux offreurs qui restaient sur le beurre, ils ont produit un petit peu moins que d'habitude. En ayant évidemment un espèce d'effet ciseau lié aussi à cette montée de la consommation qui est indéniable. On estime, nous, qu'il y a un delta net de besoin en beurre mondial cette année de 50 000 tonnes supplémentaires à l'an passé. Or, 50 000 tonnes dont on dispose ou 50 000 tonnes qui vont faire défaut? C'est là que rentrent en compte un peu les grandes forces. Il faut savoir que le marché laitier, c'est un marché qui est facilement déstabilisable. 1% ou 2% de production en plus, ça paraît pas grand-chose. Et ben, ça nous a amené à la crise qu'on a connue de surproduction en 2015. Pourquoi? Donc, j'ai bien compris, Pierre Bégog, que le lait devait être utilisé immédiatement, qu'il ne se conservait pas comme tel. Le beurre, ça ne se conserve pas? Ah voilà, après les produits issus de la transformation laitière se conservent. Et se déplace. Il faut quand même savoir que le beurre nécessite une contrainte qui est le froid. On ne peut pas stocker du beurre dans des conditions identiques à de la poudre de lait, par exemple. Donc, il y a une contrainte supplémentaire. Le transport du beurre est compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, le beurre, c'est la matière première la plus volatile du marché. On a fait plus de 180% entre mars 16 et septembre 17. On se retrouve avec un produit qui vaut presque 7000 euros la tonne. Alors, il y a eu une inflation. À ce prix-là, on peut transporter. Avant, ça valait combien, la tonne? 2500 euros en mars 2016. Donc, le prix a quasiment triplé. Est-ce qu'on... Il n'y a pas d'autre cas sur les matières premières. Ah, c'est la matière première la plus volatile sur le dernier exercice. On n'a pas de performance de ce type observée sur d'autres produits agricoles. Repas, goûter, bons plats sont souvent préparés au beurre fait de lait et de crème provenant de troupeaux sélectionnés est entièrement approuvé par les standards de la production haute qualité. Enveloppé dans une feuille métallique, il est préservé de l'air. Ils valent par leur qualité et leur saveur. Soyez vous aussi des consommateurs satisfaits. Est-ce que l'on peut transformer, je vais vous dire une monstruosité, est-ce que l'on peut transformer de la poudre de lait en beurre? Mais non, puisque si vous voulez, le lait en tant que tel, c'est une phase composée à 90% d'eau, dans laquelle vous avez une partie grasse et une partie appelée protéine. Quand on fait du beurre, on écrème le lait, et donc on a de la crème d'un côté et du lait écrémé de l'autre. Le lait écrémé, on peut le sécher, poudre de lait écrémé, et la crème, on peut la transformer en beurre, en bas beurre ou en faire d'autres spécialités grasses. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand vous faites du beurre, le process industriel fait que vous avez forcément un coproduit qui s'appelle du lait liquide écrémé que vous allez forcément traiter en poudre. Donc, ils sont indissociables. Et une des voies qui s'élève aussi pour expliquer la complexité actuelle du contexte, c'est globalement, le beurre se porte très bien. Mais la poudre de lait écrémé, si vous me permettez l'expression, elle est à la cave. Bah oui. Donc, quand on recombine le complexe, on a finalement une valorisation industrielle que nous expliquent les opérateurs, qui est compliquée à trouver. Alors, c'est compliqué à trouver, sauf qu'on n'a pas forcément les chiffres, on n'a pas forcément de transparence dans la filière. Et c'est l'évolution aussi là que du c'est prix compliqué. De la poudre de lait, Pierre Bégog. L'évolution de la poudre de lait est très dégradée. On est sur des niveaux qui sont en dessous du seuil d'intervention, c'est-à-dire le niveau de prix auquel l'Union européenne rentre sur le marché pour alléger le marché et stocker. Donc on est sur des niveaux de prix qui ont été fortement dégradés sur l'année, l'exercice passé. Et on a aujourd'hui un beurre qui flambe et une performance de la poudre de lait écrémée qui s'annonce, si vous voulez, sur des niveaux qui sont historiquement, enfin pas historiquement bas, mais on est autour de 1500-1600 euros la tonne, ce qui est un niveau très dégradé par rapport aux plus de 2000 euros qu'on a pu avoir dans le passé récent. Oui, c'est un système qui marche complètement sur les minces, quoi. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire... On a une demande forte pour le gras et pas vraiment de demande pour la protéine. Les supermarchés, dit-on, ne veulent plus acheter parce qu'ils trouvent que c'est trop cher le beurre, c'est vrai? Le vrai questionnement de fond, c'est comment est-il possible qu'on ait, nous, la France, une balance exportatrice nette en beurre, et des rayonnages en magasin qui soient déserts ou quasiment vides. Il y a un moment, des arbitrages qui se sont opérés. Je pense que le mode de contractualisation, les relations au sein de la filière sont à remettre à plat. On en a parlé longtemps, la fameuse ventilation de la valeur ajoutée. On sait que le maillon de production est en souffrance. Il se trouve qu'on a encore le même débat aujourd'hui, à savoir est-ce que la hausse du beurre est répercutée sur les prix du lait. Alors les prix du lait, ils ont remonté, certes, mais on est sur des niveaux qui sont tout à fait moyens et on n'a pas eu du tout l'impression que l'emballement du beurre se traduise par une remontée forte du lait dans les campagnes. Maintenant, voilà, en face de la variation beurre, il y a aussi la poudre de lait qui est très dégradée. Maintenant, revenons encore une fois au constat qui est la contractualisation pose problème. Aujourd'hui, quand vous négociez vos prix, si les grands distributeurs ne sont pas tous livrés, c'est parce que les industriels ont fait le choix de partir sur d'autres débouchés, peut-être plutôt l'export, quitte à se mettre en défaut de livraison sur la grande distribution. Ça met en exergue le fait que on a une telle décorrélation entre les prix proposés sur le marché domestique et le marché mondial qui appelle le beurre, que le débouché, il se fait logiquement, pour une société privée, vers le meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire l'export, au détriment du marché domestique. Alors le super fail d'aujourd'hui, Pierre Bégoque, c'est donc la pénurie, alors vous trouvez le terme excessif, mais moi je l'ai vérifié au supermarché, pas de beurre, voilà. Demain, va y en avoir de trop. Alors, on est déjà en train d'observer une remontée de la production laitière saisonnière. On est aussi en train de remarquer que les cotations du beurre proposées sur le peu d'outils dont on dispose pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, la filière, elle manque d'un phare à l'horizon, d'une balise qui nous permette de dire, non pas comment s'est comporté le marché, ça fait 2 mois, mais de nous dire, voilà ce qu'on peut attendre dans 6 mois. Il y a quelques éléments de plateforme qu'on a en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi un marché à terme. Alors, le marché à terme, on l'aime pas beaucoup dans la filière. Moi, je suis quelqu'un qui défend cet outil-là parce qu'on a enlevé tous les filets de sécurité et aujourd'hui qu'on a des outils qui existent déjà, ça mérite au moins le détour de s'y intéresser. Donc, si on projette les prix à horizon 6 mois, on se rend compte qu'il y a une décroissance assez nette des prix du beurre. Donc, je parle de décembre à mars prochain. On voit déjà qu'on sera peut-être plus à 7000, mais plutôt autour de 4500, 5000 euros. Donc, on attend une inflexion de cette surchauffe, surchauffe alimentée aussi par des comportements qui étaient peut-être un peu erratiques. Un emballement des achats. C'est pas des achats de couverture, c'est plutôt des achats paniques. L'achat entraînant l'achat, la pénurie, vous en avez parlé, mais ça a été relayé, amplifié. Et du coup, on s'est retrouvé avec des acheteurs qui ont peut-être vu un peu grand. Donc notre conseil, achetez du beurre dans 6 mois et d'ici là, beurrez vos tartines avec de la margarine. Merci beaucoup Pierre Bégoque de la société Agritel. Superfail a été piétiné par Anaïs Isebaer, foiré par Emmanuel Morse-Duncan et parfaitement démoli par Alexandre Fougeron et Jean-Christophe Francis. Superfail.